on jugera bien que la vie de la maîtrise, toujours chantante et gaie, avec les musiciens et les enfants de chœur, me plaisait plus que celle du séminaire avec les pères de Saint-Lazare. Cependant, cette vie, pour être plus libre, n'en était pas moins égale et réglée. J'étais fait pour aimer l'indépendance et pour n'en abuser jamais. Durant 6 mois entiers, je ne sortis pas une seule fois que pour aller chez maman ou à l'église, et je n'en fus pas même tenté. Cet intervalle est un de ceux où j'ai vécu dans le plus grand calme et que je me suis rappelé avec le plus de plaisir. Dans les situations diverses où je me suis trouvé, quelques-uns ont été marqués par un tel sentiment de bien-être qu'en les remémorant, j'en suis affecté comme si j'étais encore. Non seulement je me rappelle les temps, les lieux, les personnes, mais tous les objets environnants, la température de l'air, son odeur, sa couleur, une certaine impression locale qui n'est fait sentir que là, et dont le souvenir vif m'y transporte de nouveau. Par exemple, tout ce qu'on répétait à la maîtrise, tout ce qu'on chantait au chœur, tout ce qu'on y faisait, le bel et noble habit des chanoines, les chasubles des prêtres, les mitres des chantres, la figure des musiciens, un vieux charpentier boiteux qui jouait de la contrebasse, un petit abbé blondin qui jouait du violon, le lambeau de soutane qu'après avoir posé son épée, monsieur le maître endossait par-dessus son habit laïque, et le beau surplis fin dont il en couvrait les loques pour aller au chœur. L'orgueil avec lequel j'allais, tenant la petite flûte à bec, m'établir dans l'orchestre à la tribune pour un petit bout de récit que monsieur le maître avait fait exprès pour moi. Le bon dîner qui nous attendait ensuite, le bon appétit qu'on y portait. Ce concours d'objets, vivement retracé, m'a 100 fois charmé dans ma mémoire, autant et plus que dans la réalité. J'ai gardé toujours une affection tendre pour un certain air du conditor Alme Siderum qui marche par Yambe, parce qu'un dimanche de l'Avent, j'entendis de mon lit chanter cet hymne avant le jour sur le perron de la cathédrale, selon un rite de cette église-là. Mademoiselle Merceret, femme de chambre de maman, savait un peu de musique. Je n'oublierai jamais un petit motet, à ferté, que monsieur le maître me fit chanter avec elle, et que sa maîtresse écoutait avec tant de plaisir. Enfin, tout, jusqu'à la bonne servante Périne, qui était si bonne fille et que les enfants de cœur faisaient tant endever. Tout, dans les souvenirs de ce temps de bonheur et d'innocence, revient souvent me ravir et m'attrister.